d'aller simple pour nulle part. Un amour meurt par un départ. Porte fermée, puis porte ouverte. Chaîne brisée, paix en alerte. Ne jamais chanter requiem. Rendez-vous avec soi-même. Demain est un pays étrange où l'on risque de perdre au change. Il est toujours temps de dire non, quand se referme une prison, un chien fidèle qui se rebelle, encore un coup à la poubelle, l'amour boiteux a perdu pied. Encore une bulle éclatée. Un amour qui vit à genoux, se condamne à mourir debout. Un amour qui vit à genoux se condamne à mourir debout. Un amour est mort dans la nuit. Ne serait un peu trop endormi. Retour pour nulle part. On fait son nid, puis on repart. C'est toujours pour l'éternité que l'on dit je t'aime à l'aimer. Mais le cancer du jour le jour. Et le plus grand tueur d'amour. On se promet que jamais plus, on ne mettra son âme à nu. Peut-être à tort ou à travers. Les yeux